Elle Fanning, qui est née le 9 avril 1998 à Conyers, en Géorgie, aux États-Unis. Donc son vrai nom est Marie. Sa mère est une ancienne joueuse de tennis pro et son père un ancien joueur de baseball pro. Et elle est la petite sœur de Dakota Fanning. Donc dans sa jeunesse, elle a pratiqué la danse classique. Elle joue du piano et a également pris des cours de chant. Et toute petite, elle écrivait des histoires... avec pour rêve d'en réaliser un. Voilà, elle avait même dit que un jour elle réaliserait son propre film parce qu'elle adore, elle adore l'écriture. Elle joue pour la première fois à l'âge de 2 ans et jouera régulièrement le rôle de sa sœur en version plus jeune. Et c'est en 2003 qu'elle jouera son premier film sans être la version plus jeune de sa sœur. Enfin, même sa sœur n'apparaît même pas dans le film. En 2004 sort le film La Ligne de Vie avec Jeff Bridges. On a pu voir dans The Big Lebowski, RIPD, La Brigade Fantôme et plein d'autres films, dont Iron Man 1 aussi. Enfin voilà. Et au départ, le film prévoyait de mettre des jumelles en rôle titre, en pensant qu'elle avait 6 ans à l'époque. Donc les gens devaient penser que ça devait être compliqué pour une personne de 6 ans de jouer un rôle complet. Donc ils voulaient mettre des jumelles. Et en fait, au casting, Elle Fanning a tellement impressionné les réalisateurs qu'en fait, elle a tenu le rôle complet à elle toute seule à seulement 6 ans. Et du coup, plus tard, on a Sofia Coppola, qui a décidé de travailler avec elle dans le film Somewhere, qui le film n'a pas beaucoup plu au public, à part le jeu des acteurs qui était bon. Et pour ça, elle fut approchée par des grands noms comme J.J. Abrams pour Super 8, qui est un film produit par Steven Spielberg, ou encore Francis Ford Coppola pour le film Twixt. Donc on va passer à sa filmographie. Elle a joué dans L'étrange histoire de Benjamin Button en 2008, donc qui est un film que j'ai vu il y a très longtemps et dont je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais elle jouait la version enfant de Kate Blanchett. Ensuite, en 2011, elle a joué dans Super 8, donc de J.J. Abrams et Spielberg, qui était un super film où elle joue super bien pour son âge, parce qu'à l'époque, elle avait à peine 11-12 ans. Il faut le faire pour jouer ça, quoi. Enfin, pour jouer des rôles comme ça à cet âge-là, je trouve qu'il faut le faire. Ensuite, en 2016, elle a joué dans The Neon Demon, que je conseille sans le conseiller, parce que c'est un film qu'il faut voir, parce que c'est un film d'auteur qui est très spécial. Et en même temps, ben, c'est un film aux États-Unis interdit aux moins de 16 ou 18 ans, donc qui est assez spécial. Donc, c'est sur le monde du mannequinat, où elle joue une fille qui veut devenir un grand mannequin. Voilà, et puis on montre un envers du décor assez sombre et horrifique, avec des scènes très choquante. Moi, mon beau-frère qui a 16 ans trouve le film très dérangeant et pourtant il regarde souvent des films d'horreur, des trucs comme ça, mais ce film-là, même lui qui est assez aguerri dans ces films-là est très très gêné par ce film. Après, c'est quand même un très beau film qu'il faut voir. Ensuite, en 2017, elle joue dans Les Proies, donc je crois que c'est de nouveau avec Sofia Coppola qui travaille, avec dedans Nicole Kidman et Kirsten Dunst, donc ce sont les trois actrices principales avec d'autres femmes, et Colin Farrell, où là, elle a un rôle plus principal mais plus secondaire, où elle joue une vraie peste, mais le film est génial. Enfin, les trois femmes principales en font voir de toutes les couleurs à Colin Farrell, durant, je crois que c'est durant la guerre de sécession. Donc c'est un film qu'il faut voir, qui est vraiment très très bien au niveau psychologie du personnage principal. C'est un super travail. Et en 2018-2019, parce que le film est sorti d'abord en 2018 dans des festivals ou à l'étranger, mais en France il est sorti qu'en 2019, c'est Teen Spirit, où là, elle joue le rôle titre d'un film pseudo-musical, parce que c'est pas une comédie musicale, c'est comme The Neon Demon, on est dans un univers vraiment dans le travail. Là, on est dans un concours de chant pour adolescents, et elle joue un rôle d'un personnage qui peut être n'importe qui. C'est vraiment une fille lambda qui veut juste devenir une grande chanteuse, et du coup, tout le film, on la voit essayer d'évoluer pour devenir la meilleure chanteuse à travers ce concours Teen Spirit. C'est un très très beau film qui, moi, m'a beaucoup ému et qui a confirmé que c'était une actrice juste extraordinaire qui était capable de tout faire. Et dans la suite, il va falloir que je voie les films Somewhere et Twixt que j'ai emprunté à la médiathèque mais que j'ai toujours pas vu, parce que c'est encore des films qui sortent du registre. Somewhere est plus dans le style, on va dire, pseudo-comédie, et Twixt est plus dans l'horreur parce qu'elle joue une sorte de fantôme vampire. Donc voilà, j'ai vraiment envie de découvrir toute sa filmographie et voir à quel point C'est vraiment une actrice complète à seulement 21 ans. Donc voilà, merci à vous d'avoir écouté ce dernier son et j'espère que l'on se retrouvera à travers mes autres travaux qui se feront sur YouTube, à travers les chaînes Anacalypsie.